des cœurs qui nient les miracles offerts. Au soir tombant, il pleure l'aube claire et s'éveillant à leurs désastres amers, insensible au bonheur qui renaît. Des vœux pour de vastes domaines, pouvoir et compte aux îles Caïmans lointains. Devant les foules, ils jouent leur scène vaine, innocents mais rongés d'un mal incertain. Il est des âmes qui rêvent les grands signes, voir les mers s'ouvrir sous un geste divin, ou réveiller les morts par des paroles insignes. Chagrin. Il est des pas qui s'affirment et persistent dans l'essence des roses, leur suave velours, dans un vent doux qui caresse et qui insiste, ou dans l'aurore obscure aux vagues contours. Mais pour trouver mon doux refuge, il me suffit de te voir à mes côtés, de partager nos jours, notre humble refuge, flambeau ardent sur des sentiers jamais goûtés. Sans écouter les sirènes du vaste monde, incapable de voler la moindre fortune, veillant sur ceux dont notre toit abonde, avançant sans hâte vers notre lune.